Chapitre 11e. J'ai jeté le billet à la poste. À 6 heures, j'étais rentré chez moi. Quand j'ouvris les rideaux de mon cabinet et que je me regardais dans une glace, mon visage me fit presque peur. Cette nuit d'angoisse m'avait vieilli de 10 ans. Je n'étais encore qu'au début de la tâche que je m'étais imposée. Après être resté encore quelques instants à méditer, pour me bien affermir dans ma résolution, je revins dans la chambre de ma femme. Elle ne s'était pas éveillée. Seulement, sur son visage, le rayon blanc qui filtrait à travers les rideaux mettait une teinte rosée, presque joyeuse. J'allai vers le petit meuble, fis jouer le ressort de la plainte et y glissai les lettres. Je ne voulais pas qu'on sût que je les avais lues. En repassant devant le lit, j'enveloppai Gabriel d'un long regard de pitié. Je savais qu'aujourd'hui, plus que jamais, j'avais charge d'âme. Dans mon cabinet, je m'étendis sur un canapé et restai immobile, n'espérant pas même une heure de sommeil. Pourtant, je n'avais plus la force de penser. Il me semblait que mon cerveau se fût épuisé en ces lentes et sinistres méditations. J'avais sous le front comme la sensation du vide. Peu à peu s'éteignait la surexcitation qui jusque-là m'avait soutenu. La nature a des générosités inattendues. Je tombais dans un engourdissement qui ressemblait au sommeil. Tout à coup, je fus réveillé par le glissement léger d'un pas. J'ouvris les yeux. Gabrielle était là, rangeant les papiers par sur mon bureau. Elle me tournait le dos et dans ce premier réveil, où la netteté des idées faisait encore défaut, je regardais cette silhouette charmante, ses lourds cheveux noirs caressant la nuque, cette taille souple. Mais la pensée revint, le souvenir se rua dans mon cerveau. Je poussai une exclamation, d'ailleurs incompréhensible. Elle se tourna vivement et s'approcha. « Quoi ? » dit-elle, « tu ne t'es pas couché ?» Je suis sûr que tu as encore travaillé toute la nuit, ce n'est pas raisonnable. » Et se penchant, elle me tendit son front. Je me rappelais maintenant. En une seconde, le flot des pensées s'était déroulé tout entier. Je retrouvais, lucide, et ma douleur, et ma colère, mais aussi, nette et positive, ma résolution invinciblement prise. Je l'embrassais paternellement et comme si elle eût été ma fille. En effet, je me suis un peu surmené en ces derniers temps. Aujourd'hui, je me sens un peu fatigué, je ne sortirai pas. » En vérité, elle me jeta un regard presque joyeux, comme si elle se réjouissait d'une indisposition qui, du moins, me retenait à la maison. Je surprenais ce regard, aujourd'hui qu'il était trop tard. Combien de regards semblables j'avais laissé échapper, alors que l'irréparable n'était pas entre nous. La matinée s'écoula sans incident. J'étais un peu pâle, mais la fatigue que je prétextais expliquait tout. Gabrielle, comme d'ordinaire, allait et venait avec ses allures habituelles. En la femme la moins corrompue, il y a une incroyable puissance de dissimulation. Jamais, n'eussais-je lu ses lettres maudites, je n'aurais rien soupçonné. Je la considérais à la dérobée. Elle paraissait encore aussi jeune qu'au jour de notre mariage. Elle avait la même expression d'ingénuité franche. Elle semblait en vérité tout heureuse de ma présence. J'avais pris la coutume d'aller tous les jours déjeuner auprès de la bourse. On eût dit que c'était fête dans la maison parce que je ne sortais pas. En somme, tout cela ne pouvait que confirmer la décision à laquelle parfois, cependant, quand une pensée douloureuse traversait mon cerveau, j'avais peur de ne pas avoir le courage de me conformer. Nous nous mîmes à table. Je lus mes journaux, parlant tout haut des faits intéressants. Plusieurs fois, je surpris sur sa physionomie un mouvement d'étonnement. Je sentais d'ailleurs moi-même combien devait paraître incroyable ce subit changement d'allure, et en songeant à la période passée, j'appréciais mieux encore combien je m'étais montré sot. Après le déjeuner, je me suis mis à ranger mes papiers. Vers 2 heures, j'entendis qu'on montait des lettres. Gabrielle me les apporta. Celle de Robert ne s'y trouvait pas, donc elle l'avait prise et rapidement dissimulée. Elle se retira dans sa chambre. J'attendis. C'était la crise. Mon cœur battait si fort que la douleur du heurt était presque insupportable. Elle n'en resta enfermée que pendant quelques minutes. Puis elle reparut, impassible en apparence, mais pour moi un peu pâle, avec une contraction au coin de la lèvre. Elle n'avait pas pleuré. Je comprenais qu'en elle, il n'y avait eu que de la colère. Cela m'étonna. Je ne compris pas, et chose singulière, je fus presque blessé de cette indifférence. Une femme jusqu'alors impeccable et qui brutalement, lâchement, se voit abandonnée par celui auquel elle a tout sacrifié, devrait, ce me semble, éprouver une douleur poignante. j'ai vu que Gabriel se disposait à passer avec son ouvrage dans le petit salon voisin de mon cabinet. « Tu peux travailler auprès de moi si tu veux, » lui dis-je, « cela ne me gênera pas. » Encore une fois, j'ai vu son regard étonné se fixer sur moi. Elle est venue, placide, gracieuse, et pendant que j'écris, j'entends le bruissement de la laine glissant dans le canevas. Voilà ce que j'ai fait. Je me répète la question posée au début de cette étude de moi-même. Suis-je un héros? Suis-je un lâche? Je sais que ma femme m'a trompé. J'ai eu le courage, presque unique, je crois, de peser les responsabilités. Et j'ai compris que j'en devais prendre ma large part. Je me suis souvenu que j'avais juré de rendre cette femme heureuse, et je me suis accusé d'avoir manqué à mon serment, en lui volant le bonheur promis, en la poussant vers l'abîme où elle s'est laissée glisser. Alors, autant qu'il était en moi, j'ai voulu réparer le mal que j'avais fait. J'ai chassé l'amant, qui d'ailleurs fait fortune dans l'ana mais n'a rien tenté pour entrer en grâce. Quant à Gabrielle, elle n'a pas le moindre soupçon que j'ai connu cette aventure. Je suis pour elle non pas un mari, mais un ami, un frère aîné. Il me semble la revoir jeune fille. Elle est douce, soumise, parfois un peu triste. Moi, j'essaye en vain d'oublier le passé, mais je me contrains à le pardonner toujours. Je vis simplement, m'emprisonnant volontairement dans cette intimité fraternelle qui n'est pas sans charme. Si quelquefois je souffre, je me guéris par la conviction du devoir rempli. Décidément, je ne suis ni un héros ni un lâche. Je suis un honnête homme.